Bonsoir petits et grands. Voici de nouveau dans la machine à son. Bon, ça commence, c'est bizarre parce que j'ai été surpris, petit jingle, machin, ça m'a déstabilisé. Bref, c'est pas très grave parce que le générique, au final, vous le connaissez par cœur. Et puis si vous êtes nouveau, et bien voilà, vous apprendrez à le connaître. Donc voilà, bienvenue. Alors, dernière émission de l'année 2025. Donc le professeur, il voulait vraiment faire un truc. Il me dit, ouais, c'est la dernière de l'année, il faut faire un truc de fou et tout. Ouais, j'ai dit calme-toi, il y en aura l'année prochaine. Au final, l'année, voilà, le monde ne va pas s'arrêter là, le 31 décembre 2025. Donc c'est bon, calmons-nous, on n'est pas obligé. Avec tout ce délire déjà, avec voilà, les fêtes de fin d'année et tout le toutim, voilà, on ne va pas non plus se la jouer, voilà, la machine à son de Noël, quoi. C'est bon, quoi. Et il me dit, oui, mais alors toi, vraiment, de toute façon, tu n'as aucune envie, tu désires rien et tout. Enfin, on est parti dans une discussion semi-philosophique, semi plutôt que philosophique. Et donc un peu lourde, semi-remorque, vous comprenez, voilà, ben oui, c'est quand même pas le prof et moi, on est quand même pas, malgré son surnom, il est prof de rien du tout en réalité. Et donc on est parti quand même sur ce discours, envie, désir et tout, on s'est dit, mais en fait, oui, voilà, tiens, ça peut être un truc intéressant pour la fin de l'année, on a envie de tout, on désire tout, ou des fois on désire rien, non, s'il vous plaît, pas de cadeau, je n'ai envie de rien, et puis après ils pleurent dans leur chambre, enfin bref. Donc on s'est dit, ben voilà, mais au fait, qu'est-ce qui différencie l'envie du désir? C'est quand même pas trop loin ce genre de délire, tout ça, quoi. Donc on s'est renseigné, hein, on s'est cultivé. Alors l'envie, bon, voilà, pour ceux d'entre vous qui ont besoin de savoir, ou qui ont envie, ou même si vous n'avez pas envie, de toute façon vous n'avez pas de choix, à part de tourner le poste. Mais en fait, vous allez voir, si vous tournez le poste, en réalité ça va pas s'arrêter, ça continue. Parce que la machine à son n'existe pas. À savoir que la machine à son, c'est dans votre tête que ça se passe. Et oui, vous avez tellement envie de vivre des moments désirables et que vous avez imaginé la machine à son. Moi avec, et le professeur. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, puisqu'en fait, cette espèce de lubie ne vous arrive qu'une fois par semaine, voire toutes les 15 jours. Donc franchement, c'est tout à fait supportable. Donc restez comme ça et continuons la machine à son ensemble. Donc bref, l'envie, bah voilà, en gros, hein, c'est la consommation, l'appropriation, surtout de choses dans l'essentiel. En ce moment, c'est vraiment le cas. Ce besoin de posséder, ça vient du latin invidia. Voilà, bref, et on l'a transformé en envie. Et alors, pour certains, c'est un grand malheur moral. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose qui active les pulsions mentales, voire modifie apporte des changements aux fonctions cognitives. Donc tous les défenseurs en fait de la surconsommation, ils sont plutôt dans ce truc-là, et tous les plus moralistes etc. Bah, sont plutôt dans le côté malheur, quoi. Voilà. Alors il y a les tableaux célèbres. Je vous passerai le tableau de Géricault qui est magnifique avec une vieille femme. Évidemment, l'envie ne peut être qu'une femme. Le désir, on ne sait pas, mais c'est pas. Je serais pas étonné que. Bref. Et le désir, lui, bah, c'est plutôt une attraction, une attente de quelque chose, un souhait. Voilà. Et si on arrive à assouvir notre désir, alors là, c'est l'extase. Voilà, l'ataraxie, comme disaient les Grecs. Voilà. Mais parfois, il y a un peu de... Parce que si on n'arrive pas à assouvir le désir, là, on est plutôt dans le manque et peut-être un peu la souffrance, voire beaucoup. Le désir amoureux non assouvi, ouf, c'est la catastrophe. Il y en a qui se jettent par les fenêtres, il y en a qui deviennent cinglés, etc. Voilà. Et voilà. En gros, la différence envie-désir. Alors, évidemment que vous avez envie d'écouter la machine à son, c'est ce que vous désirez le plus au monde. Voilà. Donc bah, du coup, on va y aller, hein, parce que c'est bien beau la philo, mais à un moment donné, on était plutôt là pour un peu de musique. Donc je regarde que tout soit bien réglé, parce que là quand même, avec toutes ces histoires d'envie de désir, il se peut que j'ai oublié des choses. De toute façon, on s'en apercevra très vite. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ce fruit qu'on appelle plaisir, au goût de paradis, de fièvre et de folie. Je voudrais savourer l'herbe qui fait rêver, et dans un feu de joie, brûler codes et lois. Je veux vivre ma vie. T'as plus de masse maladie. Je tiens ton cœur. ange le manant, en prince tout puissant. Je serai roi des cœurs, du monde et des honneurs, et de tous les bonheurs, je serai le seigneur. Je vais être riche, être riche, être you feel the desire. We will wait for the night. We will wait for desire. Bittersweet, laugh and cry. 'Tis the taste of desire. Honey down through the days, garden nets of desire. Feel the loss as it fades, can't forget desire. Keep in touch, keep in track of this thing called desire. There'll be times when we'll do anything for desire. Desire. Feel the loss as it fades, can't forget desire. Keep in touch, keep in track, keep within the reach of desire. There'll be times when we'll do anything. Desire. night. We will wait. We will wait for the night. We will wait. We will wait. Jette tout le monde par la fenêtre. Les gens n'ont pas le droit de rester enfermés. Les gens n'ont pas le droit de laisser les rues dépeuplées. Il reste une place au cinéma, deux fauteuils d'orchestre à l'opéra. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dehors, tout le monde dort. Les autobus sont vides, les trains ne sont pas complets. Le dentiste attend des molaires, le pharmacien des ordonnances. Les docteurs ont besoin de malades, les enfants de vacances. Et les journaux sont faits pour être lus. Je veux me jeter dehors. Je veux remplir tous les bancs de la société. Ou alors nous ne pourrons plus vivre. Faites des mômes pour le rayon des jouets. Faites des photos pour la postérité. Faites le beau. Faites-vous manchot. Faites-vous une personnalité. Faites-vous de trop. Passant, il manque un bouton à ton col de chemise. Passant, as-tu ce qu'il te faut? Passant, jette-moi un superflu. Dors. Tout le monde dort. Chacun son poste. Bouchez tous les vides, sinon l'édifice s'écroulera. Et toi et moi serons sur les décors. Tiens, un taxi libre. Occupe-le, tu réfléchiras après. Thank you. Alors, toujours entre l'envie et le désir, professeur, vous avez les yeux rouges. Évidemment, dans la machine à son, entre l'envie et le désir. Eh oui, les petites émissions façon Noël. Eh oui, les Noël, c'est un peu synonyme de les boules, hein, les boules de Noël, et puis les petits chiens qui s'appellent boules. Et voilà, boule. Oh, You fucking fake shit! I fucking all the time! I smack my head in the

Drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. I get all my money. Tell me, what more can I do? I get all my money. Tell me, what more can I do? She's a good little girl, but she just won't be true. By myself. Oh, I'm down here by myself. I ain't got nobody, baby. in the world to care for me. Yes, baby, baby. Yeah, my baby would wanna take me back again. Yeah, my baby would wanna take me back again. Well, I ain't good for nothing, I don't have a friend. Ooh. Ooh. Ooh. No veo nada, todo está oscuro. No veo nada, todo está oscuro. Thank you. tempo sei de saber, breva que me amo. Leyó mi mano y me dijo así, con mi remedio vas a ser feliz, ya que ella gitana me entregó una botellita de breva que me amo. A tinta china parecía oler, a puro aguarrás parecía saber, que un número 9 en el frente leí, y toda la botella me la bebí. Cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas empecé a besar, mas cuando a su novio besé por error, rompió la botellita de breva que de amor. China parecía oler, a puro aguarrás parecía saber, y un número 9 en el frente leí, y toda la botella me la bebí. Cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas empecé a besar, mas cuando a su novio besé por error, rompió la botellita de breva que de amor. Breva que de C'est ainsi que s'achève la dernière machine à son 2025 chez le Voodoo Man. Eh oui, c'est la seule chose qui va pouvoir vous sauver pour passer les fêtes comme il faut. Allez voir le Voodoo, faites-vous prêter quelques bouteilles de breuvage d'amour et terminez, plus d'obscurité, plus de blues. Vous serez les rois. les rois de la fin de l'année. Eh oui, la fin de l'année, c'est quand même un truc terrible. Pensons plutôt au début de l'autre, ça sera plus sympathique. Donc ce soir, vous avez écouté dans la machine à son. Vous l'avez entendu peut-être si vous étiez au chiottes pendant toute l'émission. Et oui, la gastro en ce moment, bon bref. Là, avant que je recommence à parler, Four Tracks, Voodoo Man, Angelica Maria, Brebaje de Amor, Los Ceros, comme zéro mais avec un Z, Cuarto Oscuro, Johnny Hooker, un petit bout, Drifting Blues, le morceau était bien plus long, Abed Azrier, découverte du professeur, avec un extrait de Gilgamesh, en fait c'est un double, il y en a en fait en réalité pour en gros 80 minutes. Là, je vous ai fait juste à peine, même pas 10 minutes. Gregorio Paniagua, Epilogos Catastrophe. Terumasa Ino, Into the Heaven. Paul Bono, Suspense. Oh putain, je regarde l'heure, là, ça file. Sleaford Mods avec Gwendoline Christie's et Big Special. Toz, Honda Esoterica, Marie-Claude Robert, très bien. Paul Bono, The Utopia Strong, Pierre-Henri, The Sound. Sobrin Grissel, Cozy Fantoute, tout ça mélangé. Noël Colombier, et c'est terminé. Pour l'envie et le désir. Bonne nuit, à l'année prochaine. Ah ben oui, si je monte pas le son, on va pas y aller. C'est terrible.